vaisseau fantôme par Bénédicte Henri Revoil. L'équinoxe est une des époques les plus funestes de l'année pour les navires qui se trouvent en mer. Au mois de septembre dernier, le vent rugissait avec fureur et nos rafales soulevaient des vagues énormes qui venaient déferler avec un bruit épouvantable contre la falaise à l'extrémité de laquelle s'élevait le phare de Pine Light, situé sur la pointe sud de Terre-Neuve. Depuis une semaine, on n'avait pas aperçu un seul navire à travers la brume épaisse de l'Atlantique. Le marin le plus audacieux n'eût jamais osé défier cette lutte des éléments. Les pilotes restaient dans leur cabane, les yeux fixés sur l'immensité. Tout mouvement avait cessé sur la rive abandonnée. La tempête sévissait avec tant de violence que les relations entre voisins étaient même interrompues. La taverne aux armes de la Grande-Bretagne restait déserte, et le landlord en était réduit à fumer son propre tabac et à boire son gin tout seul. Si quelque être humain se montrait de temps à autre sur la plage, c'était le père ou la mère d'un marin absent, ou bien un vieux pilote plus hardi que les autres qui cherchait à lire, dans les nuages dispersés à l'horizon, si le tornado équinoxial se prolongerait encore longtemps. Tous se dirigeaient vers le Pine Light et là, abrités par les murs de cette construction massive, ils restaient de longues heures, assis en silence, étudiant les pronostics du ciel et cherchant à découvrir une voile qui se faisait trop attendre. Une pluie salée rebondissait contre les parois de l'édifice. Les algues, les coquillages de la mer, soulevés en spirale, voltigeaient dans l'air et retombaient lourdement sur la rive. Le gardien du phare, quoique plus exposé aux rages de l'ouragan, n'était pas moins le seul qui garda une impassibilité inébranlable. Jack Harris, né à Pine Light, avait été de très bonne heure abandonné à ses propres forces par ses parents, trop pauvre pour songer à l'élever. Doué d'une grande persévérance, d'une résolution intrépide et d'une obéissance passive, qualité principale d'un vieux marin, Harris avait fait son chemin et à cette heure qu'il avait atteint sa 59e année, il jouissait, grâce à une petite somme d'argent amassée durant ses campagnes, d'une honnête indépendance à laquelle contribuaient les émoluments de sa place de gardien du phare. Taciturne de son naturel, il n'exprimait généralement ses pensées que par un regard, un signe de tête, un geste de la main. Si le ciel était pur, il observait le plus parfait mutisme. On eût dit qu'il n'avait ni le temps ni la volonté de s'occuper des autres. Toute son attention se portait sur la mer. Mais si l'orage grondait, Jack Harris devenait tout autre. Son visage s'épanouissait, sa langue reprenait ses fonctions habituelles, et son esprit devenait dispos comme celui d'un jeune homme. Rien ne lui plaisait plus alors que la compagnie des pilotes qui venaient lui demander des conseils. Pendant l'orage terrible dont je viens de parler, Harris, abandonnant sa rêverie habituelle, s'était livré à une loquacité et à une gaieté inaccoutumées. Jamais peut-être il ne s'était montré plus dispos. Dans la soirée du quatrième jour, il se trouvait assis au coin de sa cheminée, fumant sa pipe et chantonnant entre ses dents, lorsque plusieurs coups furent frappés à sa porte. Il se leva avec empressement, alla ouvrir, et se trouva en présence de 8 marins du hameau de Pine Light qui venaient faire la veillée avec lui. Tout en serrant cordialement les mains de ses amis, Harris leur disait « Alloa, mes garçons, voilà un temps du diable qui ne fait pas vos affaires. Je prévois que demain il sera encore plus mauvais et pire après-demain. Ça va mal, my boys, ça va mal. Le réflecteur du phare est noirci par la fumée que le vent repousse dans l'intérieur de l'appareil. J'ai toute la peine du monde à le maintenir brillant. Je suis d'avis que la tempête sera terrible demain. » Chaque ami du gardien du phare prit place autour d'une table sur laquelle Harris plaça des verres, de l'eau chaude, quelques citrons et un flacon rempli de whisky. Lorsque les grogs furent préparés et toutes les pipes chargées et allumées, un des pilotes dit à Harris « Voyons, maître, expliquez-nous comment il se fait que vous soyez si gai pendant le mauvais temps et si taciturne aussitôt que le soleil reparaît et que la mer devient meilleure. Cela nous semble à tous fort extraordinaire et très incompréhensible. Mordieu, mes camarades, vous avez tort d'être étonnés, car l'orage qui effraie les poules, les femmes et les enfants ranime au contraire le véritable matelot. Un marin qui a peur pendant la tempête emploie toute la force qui lui reste à se cramponner au bordage de son navire. Et ce navire-là ne tardera pas à faire naufrage. La mer a ses secrets terribles, ses terreurs mystérieuses. À ce propos, mes amis, je vais vous raconter une histoire qui date de 5 ans et qui s'est passée près de la côte qui fait face au Canada. « Parlez, parlez !» s'écrièrent tous les matelots en se rapprochant du rocking chair sur lequel se balançait le vieillard. Les verres furent remplis de nouveau et Harris commença en ces termes. Il y a 5 ans de cela, je revenais de Calcutta à Québec, à bord d'un navire anglais de Liverpool. C'était précisément à l'époque de l'année où nous nous trouvons. Notre voyage ne fut signalé par aucun événement remarquable, jusqu'au moment où nous eûmes doublé le cap de sable qui termine la presqu'île de la Nouvelle-Écosse. Mais alors les pronostics d'une affreuse tempête se manifestèrent tout à coup. L'horizon se rétrécissait de minute en minute et ressemblait à s'y méprendre à une voile funèbre dont les replis s'agitaient par la force du vent. Sur nos têtes, les nuages couraient avec la rapidité de la vapeur et ils étaient sillonnés par les éclats du tonnerre. Autour de nous, les mouettes, les goélands, les alcyons et les mother carrier chickens rasaient d'un bol effaré et plein d'anxiété les flancs et les gréements du navire prêts à y chercher un refuge. Des bandes de bonites et de marsouins montraient leurs écailles brillantes à la surface de l'eau, sur les flancs et sur les sommets des vagues. Ce qui, vous le savez, my boys, est toujours le signe le plus infaillible d'un gros temps. Le vent soufflait sud-ouest, et c'était avec la plus grande difficulté que nous pouvions nous maintenir dans notre route. Bientôt le vent sauta au nord et le thermomètre tomba à 2 degrés au-dessous de zéro. Le soir, il gela très fort et le brouillard se métamorphosa en blanche cristallisation dans les cordages du navire. 2 jours après, nous atteignîmes les atterrages du Cap Breton et alors, louvoyant dans le canal situé entre 2 îles, nous parvînmes dans le golfe de Lorma. Là, un calme plat remplaça la tempête. Nous pouvions, sans lunettes, distinguer les dentelures des rochers noirs épaulis de la côte de Terre-Neuve et la cime des hautes montagnes couvertes de neige. Enfin, une brise favorable se leva et vint enfin enfler nos voiles. Nous fîmes route et tout allait pour le mieux, lorsque vers minuit la vigie qui faisait le quart poussa un cri auquel matelots et mousses répondirent à la fois. Tous, se jetant en bas de leur cadre, se précipitèrent sur le pont pour s'informer de la cause de cette alerte. Nos yeux cherchaient à percer les ténèbres pour découvrir quelque chose à l'horizon, lorsque, oh mes amis, à ce souvenir mon sang se fige encore dans mes veines. Nous restâmes encore pétrifiés par le spectacle qui s'offrit à nos yeux. À 400 brasses de nous se dessinait la coque d'un navire aux proportions colossales, qui nous paraissait immobile et comme rivée au milieu des eaux. Il n'y avait pas un chiffon de toile au vent. Nul mouvement, nul bruit ne révélait à bord de ce vaisseau la présence d'un équipage. Les mâts, les vergues, les agrès, tout était recouvert de neige et offrait aux yeux la blancheur de l'albâtre. Notre terreur fut au comble lorsque nous vîmes cette masse gigantesque s'approcher. Elle n'était plus qu'à une encablure de notre bâtiment. « Pars, navire, pars !» s'écria le capitaine de notre navire, la voix étranglée et les cheveux hérissés sur sa tête. « C'est le vaisseau fantôme. »« Vous faites erreur, capitaine, » lui répliqua le second, dont les lèvres étaient aussi blêmes que celles d'un cadavre. « Ce n'est pas le vaisseau fantôme, car il n'y a pas une âme à bord et le pont n'est pas couvert. » Comme celui du Hollandais volant, de squelette blanchi, c'est plutôt le vaisseau du diable qui marche tout seul, mû par un pouvoir surnaturel. » Notre capitaine prit son porte-voix et héla le navire inconnu. Aucun mouvement, aucun signe de vie ne répondit à cet appel. Seulement le vaisseau continuait à s'avancer sur nous. En moins de quelques minutes, il ne fut plus qu'à une encablure de notre navire. Il semblait vouloir s'attacher à nous comme le fer à l'aimant. Une catastrophe inévitable et une mort terrible menaçaient notre vie à tous. Chacun des matelots prit en main un espar, et au moment où le vaisseau arrivait à bâbord, nous parvînmes à amortir le choc. Soudain, par un bonheur inespéré, un coup de vent rejeta notre navire à tribord et c'est grâce à ce hasard seul que nous échappâmes au péril. « Il y a du monde là-bas » s'écria tout à coup notre capitaine. « Regardez sur le pont à côté de l'habitacle !» Et nos yeux suivaient le vaisseau mystérieux en cherchant à pénétrer le terrible mystère. La coque demeurait toujours immobile. Point de timonier à la roue. Pas de vigie dans les haubans. Pas de matelot aux manœuvres. Mais sur le gaillard d'arrière, nous apercevions distinctement deux formes blanches, immobiles et comme appuyées sur le bastingage. Elles étaient enroulées dans des manteaux blancs que le vent faisait flotter à son gré. Une seconde fois, notre capitaine héla de toute la force de ses poumons. Cet appel fut inutile. Le vaisseau s'évanouit dans l'obscurité, silencieusement, comme il nous était apparu. Pendant les heures qui suivirent cette mystérieuse rencontre, nous demandions à chaque instant si ce n'était point un rêve, si nous n'avions pas été déçus par une illusion de mirage. Les plus superstitieux étaient persuadés que le diable était mêlé à cette fantasmagorie et que nous étions menacés de quelque catastrophe. Tout alla bien jusqu'au soir. Mais pendant la nuit, le vent sauta au nord-est et nous filions avec une rapidité de 12 nœuds à l'heure, toute voile dehors. Tout à coup, quelque chose d'informe se dessina devant nous, se détachant en noir au milieu de l'obscurité de la nuit. Le timonier gouverna directement sur l'objet. Tout l'équipage était rassemblé sur le pont, les yeux fixés sur ce point de mire. « Largue les voiles !» hurla le capitaine qui se mit lui-même au gouvernail. « Pars à virer !» Et nous arrivâmes à 5 ou 6 encablures de l'horrible spectre qui paraissait devant nous, non pas blanc comme la nuit précédente, mais absolument noir, de la flottaison à la cime des mâts. À la même place, sur le gaillard d'arrière, les deux formes recouvertes de blanches draperies, pareilles à des pleureuses, se tenaient immobiles, laissant flotter au gré de la rafale les vêtements dont elles étaient couvertes. Les vagues clapotaient contre les parois du navire. Par un secret instinct de conservation, tous mes camarades et moi nous sautâmes de nouveau sur les espars, dont plusieurs furent brisés quand le navire fantôme frôla notre bord. Nous nous crûmes perdus une seconde fois, mais glissant à la surface des eaux, comme le ferait une ombre, la coque mystérieuse se perdit aussitôt dans la brume. Le jour suivant, le vent passa subitement au sud-est et nous contraignit à virer de bord, nous poussant en large vers les îles Madeleine. Nous passâmes en vue de plusieurs embarcations de tout tonnage occupées à la pêche de la morue. Aucune d'elles n'avait vu le vaisseau inconnu. Pendant les 2 jours et les 2 nuits qui suivirent, la tempête continuait et nous restâmes en panne. Mais la 3e nuit ne se passa pas aussi heureusement. Vers 2 heures du matin, la vigie de quart signala le vaisseau. À une portée de canon vers l'avant, le spectre se dressait sur la cime des flots. Et comme toujours, on voyait sur le gaillard d'arrière les deux formes humaines aux blanches draperies. Cette fois seulement, le navire fantôme disparut tout d'un coup, sans nous menacer d'un choc qui eût été fatal. Nous restâmes encore 24 heures ballottés par la tempête devenue plus terrible. Mais vers le soir, nous aperçûmes devant nous, calme comme une mare d'eau douce, le port de Pine Light, qui semblait nous convier à chercher un refuge dans son enceinte. Le rocher qui forme la pointe nord de l'autre côté de la tour du phare s'élevait majestueusement à l'horizon et devant nous, le phare envoyait comme aujourd'hui sa gerbe de rayons dont les mouvantes clartés ricochaient au loin sur les vagues. Le capitaine se décida à venir attendre à Pine Light la fin de la tourmente. Tandis que nous approchions de la côte, l'air fut ébranlé par une épouvantable détonation. Les coups se suivaient à des intervalles égaux avec une rapidité croissante. Et pourtant l'atmosphère était pure et limpide. Malgré cela, nous ne voyions rien, et il nous était impossible de découvrir d'où venait ce bruit qui ressemblait à celui d'un combat naval. Tout à coup, la vigie s'écria « Le vaisseau, voyez-la devant nous !» En regardant dans la direction de son bras tendu, nous le découvrîmes en effet, pris entre 2 rochers du côté du petit îlot qui longe au nord la côte, sous la direction du Labrador. Ses mâts étaient brisés, et la carène, qui se cabrait comme un cheval indompté, retombait lourdement à chaque vague, se désemparant de toutes parts. Les formes humaines dont j'ai déjà parlé laissaient apercevoir leur silhouette blanche chaque fois que la lame éparpillait son eau phosphorescente le long des parois de l'épave. Sur la rive du continent, tout s'agitait aussi. le capitaine du port de Pine Light, suivi de la foule des habitants, se dirigeait en toute hâte vers le lieu du naufrage. La grève était illuminée par des torches sans nombre, et bien avant que nous eussions atteint le vaisseau, une flottille d'embarcations de toute grandeur couvrait la mer et s'élançait au-dessus du ressac. Néanmoins, nous fûmes les premiers à aborder l'épave défoncée, disputant au flot les débris de sa membrure. Nous nous hissâmes sur le pont, 8 matelots et le capitaine. Celui-ci arriva le premier avec moi, mais malgré notre courage, je puis le dire, les plus braves se sentaient glacés d'effroi en contemplant le spectacle étrange qui s'offrait à leurs yeux. Il était fait réellement pour exciter la plus profonde horreur. Contrairement à notre attente, l'équipage du vaisseau se trouvait au grand complet. Mais le croiriez-vous, cet équipage ne se composait que de cadavres. À la base du grand mât, amarrés avec des cordes, 2 hommes étaient couchés sur un tapis de Smyrne. Le plus âgé, enveloppé de précieuses fourrures, tenait enlacé un jeune homme dont la tête reposait sur son cœur. À côté d'eux, une jeune femme serrait sur sa poitrine glacée un enfant de 5 à 6 mois. La scène qui devait frapper nos yeux dans la cabine était bien autrement horrible. Tout autour de ce caveau mortuaire, sur les coussins du divan, il y avait des cadavres dont les traits crispés laissaient supposer qu'ils avaient perdu la vie dans des convulsions violentes. Bientôt, le capitaine, revenant avec le livre du bord, nous lut un papier qu'il avait trouvé au milieu du registre maritime. Il contenait un récit de la catastrophe qui avait changé ce navire en un vaste tombeau. Voici à peu près la teneur de cette épouvantable histoire. Le San Cristóbal appartenait à un armateur de Lisbonne. Le capitaine se nommait Don Diego de Santas et faisait route pour Ceylan. Son fret consistait en vin de Porto, en caisses de cinabre et en plusieurs tonnes d'arsenic. Peu de temps avant de quitter Lisbonne, Don Diego avait épousé Donna Manuelita de Penaflor, jeune fille d'une grande beauté, qui avait voulu l'accompagner à la mer. Donna Manuelita avait été promise par ses parents à un homme d'un caractère violent et audacieux, aux manières rudes et grossières. Mais elle s'était toujours opposée avec une résistance respectueuse à la volonté de sa famille, déclarant qu'elle entrerait dans un couvent plutôt que d'épouser un cavalier pour lequel son cœur n'éprouvait que de la répulsion. Don Alvar, c'était le nom de cet homme abhorré, instruit de la réponse de Donna Manuelita, ayant aussi découvert que Don Diego de Santas était son rival, résolut de se venger d'une manière terrible si les amants se mariaient jamais. En attendant, il employa toutes sortes de menaces pour empêcher cette union. En dépit de cet obstacle, le mariage eut lieu. Mais comme les nouveaux mariés connaissaient Don Alvar, ils résolurent de quitter Lisbonne pour mieux se dérober aux atteintes de leur ennemi. Don Alvar, instruit de ce projet, résolut de les accompagner. Il se déguisa avec une habileté sans égale et vint s'offrir au capitaine du San Cristóbal, Don Diego lui-même, en qualité de cambusier. Il fut accepté. Dès ce moment, ce misérable, demeurant inconnu au jeune époux et à sa femme, tint dans ses mains la vie de tous les deux à la fois. Il remarqua avec soin quel mets il mangeait de préférence et quel vin il buvait, et une fois ses renseignements obtenus, il basa là-dessus ses plans de vengeance. Il ouvrit une tonne d'arsenic et mélangea au vin et aux aliments une quantité de ce poison plus que suffisante pour donner la mort à tout l'équipage. Ceci se passait le 5e jour après le départ du San Cristóbal. Don Diego, à l'occasion du jour anniversaire de sa naissance, avait organisé une fête à laquelle il avait convié tous les passagers de son navire. L'équipage n'avait pas non plus été oublié. Tous les matelots buvaient à la santé de leur capitaine et de sa jeune épouse. C'était la mort qu'ils buvaient. Dès que Don Alvar reconnut les ravages produits par son atroce vengeance, lorsqu'il comprit que seul de tous les passagers du navire, de tout l'équipage, il allait rester vivant au milieu de tant de cadavres, l'effroi et le remords entrèrent dans son âme, et cédant au vertige que donna la raison le trouble de la conscience, il se précipita dans les flots qui se refermèrent sur lui pour toujours. Don Diego conserva assez de force pour écrire les détails sommaires de cette catastrophe sur le papier trouvé dans le livre du bord. 5 heures après ce fatal repas, le San Cristóbal n'était plus qu'un vaste cercueil abandonné à la merci des flots. Parmi les passagers, comme le faisait connaître la liste contenue dans le registre du capitaine, il y avait deux sœurs de la Merci qui se rendaient à Ceylan pour rejoindre la mission catholique de cette île. C'étaient les deux personnages aux vêtements blancs dont les formes fantastiques nous avaient effrayés. Sans nul doute, les infortunées n'avaient pris qu'une faible quantité de vin empoisonné, et elles avaient probablement espéré, en montant sur le couronnement du navire, éprouver quelque soulagement au grand air. Étroitement serrées dans les bras l'une de l'autre, elles avaient, dans un embrassement suprême, attendu la mort à laquelle tous les passagers avaient succombé. D'après la date de cette note écrite par Don Diego de Santas, l'horrible catastrophe avait dû s'accomplir la veille du jour où nous avions aperçu pour la première fois ce navire que nous prenions pour le vaisseau fantôme, la terreur des matelots. Nous nous hâtâmes de quitter cette scène de désolation. D'ailleurs, il nous était impossible de séjourner plus longtemps à bord du San Cristóbal. Les vagues se ruaient déjà contre les flancs désemparés du navire, qui ne devaient pas tarder à céder à leur violence. Les deux sœurs de la Merci furent les seules dépouilles que nous eûmes le temps de transporter à bord de notre yacht. Nous allâmes les ensevelir dans le petit cimetière du hameau, et c'est sous la pierre tumulaire que vous connaissez tous que repose leur dépouille mortelle. Leur âme est au ciel, mes amis. Prions pour elles. Le lendemain du naufrage du San Cristóbal, il ne restait plus aucun vestige de cette épave. Les vagues avaient tout brisé, tout emporté. « Allons, » ajouta le vieux Harris en s'adressant à son auditoire. « Il est tard, mes enfants. Vous ferez bien de rentrer chez vous. Adieu et bonne nuit. » Ainsi s'achève « Un vaisseau fantôme » par Bénédicte Henry Reboyle.